ta journée de galère dans ton coin. Viens plutôt secouer tes tympans avec Stéphane. Eps, écoute. J'adore, c'est grand. Ça le fait. Le nouveau Just to hear. quelques heures. Blaster, révélation de ces derniers jours sur Galaxy Fréquence 95-30. Nous vous souhaitons la bienvenue, si vous venez de nous rejoindre. Willis, on est allé, on le retrouve avec beaucoup de plaisir une nouvelle fois. Ce sera dès demain matin, 7h, 10h et quasiment 10 minutes. Une matinée qui s'ouvre à vous avec encore et toujours plus de bonne musique garantie. Avec par exemple ceci, le meilleur de la scène régionale, un bel extrait de l'album du même nom. C'est le fameux Didier de Raven, Mind and Heart. Pour tout connaître, des rendez-vous intergalactiques du week-end, par exemple, une seule adresse, c'est galaxyfm.com. Vous cliquez grille des programmes et vous saurez tout. Galaxy. Good for the mind. Galaxy. Good for the mind. days. Happy days. Galaxy. Happy days on Galaxy. Retrozone sur Galaxy. Zone sur Galaxy avec Someday Somehow signé Eniac versus Novi. Novi versus Eniac si vous préférez. C'était en 1996. Le cap des 10 heures est passé de quasiment 20 minutes. Ce dimanche justement dans les clubs, direction l'Escape Concept avec une nuit blanche. La musique est signée Huggington, concept 100% house. Le code de vos habits forcément c'est blanc. Côté H2O, Diversus, concept rétro tendance par H3O et Gauthier. Entrée libre et gratuite pour tous avant minuit. Et puis du côté du zoo, ce sera la sexy saxo et percu avec aux commandes Thomas et Ced. À bon entendeur, salut. D'autres idées de sortie pour le week-end, vendredi, samedi et bien évidemment dimanche, galaxyfm.com, rubrique info, soirée, Galaxy. Pour l'heure, Dance Too, c'est le nouvel Antoine Flamaran. Radio Galaxy. Galaxy. New. Dans quelques minutes, toute l'info près de chez vous avec l'agenda Galaxy. Bonne matinée. Un titre devenu mythique grâce à vous, les Rockers et filles sur Galaxy avec Push Push, direction l'information de proximité, pas plus tard que très vite, là même maintenant, tout de suite, avec le 37e Salon des Artistes qui a lieu du 10 au 25 mars au Centre socio-éducatif de Waterloo. Une édition organisée par l'Atelier des Arts qui met à l'honneur l'art moderne, quelques 350 peintures et sculptures qui vous feront voyager dans les mondes imaginaires proposés par les artistes waterloosiens, ceux des environs. Entrée libre, plus d'infos, c'est 0320 802 820. Masques et civilisations mystérieuses ce dimanche 11 mars 16h. C'est à la maison de l'éducation permanente de Wattrelos. Un beau voyage pour comprendre la symbolique du masque dans un tourbillon de couleurs et d'images à travers les âges et civilisations. Un spectacle numérique également en haute définition pour le plaisir des yeux, signé Jean-Claude Sadoine. Tarif unique 5€, billetterie 0320 75 85 86. À noter également le 23e festival du film Cours de Lille, programmé du 12 au 16 mars. C'est à l'UGC, Cinécité ainsi qu'au Majestic. Il a pour vocation d'être un haut lieu de rencontre ainsi que le tremplin des jeunes réalisateurs, acteurs et scénaristes de la région. Le jury est composé comme chaque année de personnalités du grand écran ainsi que d'étudiants organisateurs de ce festival. Programmation complète 03 20 15 48 25. Pour en savoir plus sur le web, c'est filmcourt-lille.com. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. connecté sur Galaxy. Stéphane Laroche. On the Swing Quadrant sur Galaxy. Décidément, on n'est pas prêt de s'enlacer, les enfants. Hein. Il est 10h45 quasiment, en tout cas. Le web, le net, les news. Tiens, on apprend par exemple que d'ici à seulement 6 mois, et selon TechCrunch, la société Adobe devrait lancer une version gratuite et en ligne du fameux Photoshop, logiciel de retouche pour photos. Attention, le virus est dans le commentaire. Selon news.com, un nouveau virus baptisé Stormworm infecterait les commentaires postés dans vos blogs. Il ajouterait systématiquement un lien vers un site malveillant. La prudence est donc de mise. Et puis pour terminer, 1 million, c'est le chiffre, 1 million d'Européens d'entre nous donc disposeraient déjà de l'internet par fibre optique à domicile selon Informa, Télécom et Médias. Ça veut dire quand même l'internet à quelques 100 mégasecondes. C'est pas mal quand même, hein. Eh oui, ça fait rêver tout ça. Galaxy. I've been loving more than lovers. I thought that we could have been sharing more than brothers. Why don't you give me one more chance to fix this error? Oh, baby, don't let me the way, don't make this error. We'll be right back.

to the BLN, horse of English tourists on an easy jet, coming to Berlin to get out of their head. Just too many rules in the LDN, you're not allowed to do much in the LDN. Party people free in the BLN, they never close the club even at 10 a.m. No people wearing sisters allowed to run round them. No drink up, drink up security men. When I was 22 I had enough of them, sitting on the tube and about to close at 10. I mean 11. Berlin, but there ain't nobody want to shine BLN. Take control. sur Intergalactic Fréquence 95-30 Baronne sur Galaxy avec Shake Your Ballet, disponibilité sur le label DJ Center Records. Bonne fin de matinée à vous, il est 11h. Merci de votre grande fidélité. Tiens, notez-le. À venir à suivre, La Mode avec Bye Now. Pour la petite info, le remix est signé du Pointure en la personne de Félix Daouskat. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Stop music. Coming out of Chicago, out of my basement. People call me rude. I wish there were no rules. I wish there was no black and white. I wish we all were cool. People call me rude. I wish there were no rules. I wish there was no black and white. I wish we all were cool. We'll be right back. Stéphane Laroche sur Galaxy. Voilà la musique sur Galaxy, la radio de tous les numéros 1. C'est signé David Vendetta featuring Akram. Mais on n'est pas prêt de se lasser là encore. 11h quasiment 10 minutes. Média les news. Et non, TF1 n'aurait pas copié Bruno Tanzini pour créer la première compagnie. Bruno Tanzini, qui est un ancien légionnaire et qui prétendait donc avoir déposé les droits du concept de l'émission de télé-réalité militaro-grotesque qui vit de gratiner membres du gratin, tel à l'époque Jean Roucas s'affrontait au printemps 2005. Et au son du pléreau, bref, il réclamait 300 000 euros de dommages et intérêts à TF1 et la société Endemol pour violation de droits d'auteur. Eh bien, ça y est, le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché, je cite, « les similitudes qui existent entre le projet de Bruno Tanzini et l'émission ne suffisent pas à établir que la seconde a été conçue à partir de la première. » Affaire à suivre, on ne sait pas si l'ami en question va faire appel. En tout cas, pour l'instant, TF1 n'est toujours pas accusé de plagiat. It's time for house. Et puis surtout, TF1, très bons avocats. Pas vrai, tout de suite, il y a Yass sur Galaxy. He reigns. We'll be right back. faire un petit retour en arrière. Vraiment pas dégueu, gros carton de l'époque. C'était en 96. Souvenez-vous, DJ Hyperactif dans Wide Open dans Galaxy. Nous vous souhaitons une agréable fin de matinée à vous. Et puis surtout, merci d'être à l'écoute du 95-30 avec ceci, Illico Presto. Ça c'est grave, c'est puissant, c'est là. Give me love, la belle GSR. Galaxy, save the rhythm. Save the rhythm. I need your love. 3. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Afin d'éviter les effets de panique, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est interdit de siffler. Il est interdit de crier. Il est interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est interdit de siffler, de crier et de taper dans les mains en même temps. D'éviter de vous affoler, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est formellement interdit de sauter. Il est formellement interdit de hurler. Il est formellement interdit de délirer avec son voisin. Et surtout, il est strictement interdit de sauter, de hurler et de délirer avec son voisin en même temps. Dame, une pure merveille sur Galaxy Fréquence 95-30 que vous connaissez bien maintenant puisqu'il s'agit d'une production de la région Nord-Pas-de-Calais. Il est interdit d'interdire, comme on disait à l'époque. Et bien là, il est interdit tout court et c'est signé de Shana. Ça fait un véritable carton, notamment dans les clubs. Et c'est heureux. 11h31, salut si vous venez de nous rejoindre. Notez-le, la 4e édition du festival Entre Cours et Jardin, programmée du 15 au 1er avril. Ce sera à la Maison Folie de Tourcoing. Ça démarre donc le 15 mars, évidemment. Trois spectacles avec, par exemple, le cabaret de la dernière chance par la compagnie Roll Mops Théâtre, ou encore Dame Angèle par la compagnie d'ici d'ailleurs, ou Daniel Daniel, ou l'art de la rupture proposé par la compagnie Jean Blondon. Renseignements 03 20 26 72 78 ou pour en savoir plus, c'est eurohumour.com. Dans le cadre de la 3e édition de l'Extra Piano Festival, programmé le dimanche 25 mars 15h à l'Ermitage Gantois, situé rue de Paris à Lille, l'après-midi de l'Extra réunira dans un lieu unique 3 pianistes internationaux pour 3 concerts successifs avec au programme des œuvres des romantiques telles que Schumann, Liszt, Chopin, Tchaïkovski et tous les autres. Les 3 pianistes, tous lauréats de très nombreux concours internationaux, sont par exemple Ivaïla Ivanova de Bulgarie, ou encore Katerina Kulikova d'Ukraine, ou encore le bien nommé Alexandre Polyakov de Biélorussie. Renseignements 03 20 57 2 fois double 0. Et puis si vous aimez le cinéma, si vous avez entre 18 et 25 ans, et bien partez pourquoi pas au Festival de Cannes en devenant membre du jury jeune 2007. La Croisette est peut-être au bout de votre plume. Plus d'infos au Centre Régional Information Jeunesse, le CRIJ, de Nicolas Leblanc, 59 000 Lille, 03 20 12 87 30 ou sur www.crij-npdc.asso.fr. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. La la la.

5 ans de bons disques à écouter par semaine à Grego, que vous connaissez sans doute, que vous connaissez peut-être, à bel extrait de Warning EP avec une version signée Matteo Murphy. À bon entendeur, salut, 11h44 minutes. Le meilleur du mix, vous le savez peut-être, c'est chaque jour de la semaine à partir de 21h, Only Mix on Galaxy ou encore le week-end. Le samedi, c'est à partir de midi, c'est la même chose pour le dimanche. Et justement, au programme de ce dimanche 11 mars, vous retrouverez à partir de midi le meilleur de la scène house et rétro avec Tom. À partir de 14h, direction La Trance avec Michael H. À partir de 16h, le tandem, le duo Ralph et Mr. G pour le meilleur de Clubbing Spirit. Dans la foulée, Steve, rendez-vous Tech House, c'est à partir de 18h. Beaucoup d'autres rendez-vous intergalactiques en remix à ne pas manquer sur galaxyfm.com, rubrique grille des programmes. Galaxy. Galaxy. Welcome, welcome, welcome to the world of music. Avec un standard qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, Hélène et Alien et Appara. Jet. Thank you. Rétrozone sur Galaxy. À toute heure du jour et de la nuit. 20 minutes de mix. Bienvenue à bord de Six Mix sur Galaxy.